parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec l'avenir, la libre, Télépro, la 2 et la première. La première. Il est 11h. Et on fait un point sur l'information. Bonjour à tous, Marie Van Kutsem avec vous. Évacuation à la maison communale de Saint-Josse ce matin en région bruxelloise. En cause, une lettre suspecte envoyée au bourgmestre socialiste Emir Kir. Le courrier l'invite à quitter le pays pour rejoindre, je cite, son ami Hitler Erdogan. Et l'enveloppe contenait également de la poudre blanche. Le local où la lettre a été ouverte a été mis en quarantaine. La police, les pompiers et la protection civile ont été alertés. Le bourgmestre, quant à lui, a demandé l'ouverture d'une enquête et envisage de porter et plainte contre X. 200 euros d'amende, c'est ce que risquent désormais les étrangers qui séjournent illégalement sur le sol belge. Révélation du Standard ce matin qui explique que l'Office des étrangers peut infliger cette amende depuis le 24 juillet. Déclaration de Théo Franken à ce sujet. Le message doit être clair pour ceux qui viennent dans notre pays. Ils doivent se conformer aux règles. Le secrétaire d'État à l'asile ajoute ensuite que certains Français, par exemple, s'installent parfois sans s'inscrire pour éviter certaines taxes. C'est ce soir, 1h du matin, heure belge, la cérémonie d'ouverture du plus gros événement sportif au monde, les Jeux Olympiques évidemment. Quelques chiffres, les JO, ce sont 10 500 sportifs issus de 207 nations, 110 athlètes côté belge, 2 semaines de compétition et 3 milliards de téléspectateurs attendus pour la cérémonie de ce soir. Le programme, c'est un spectacle grandiose, le défilé des délégations nationales et aussi la fin du relais de la flamme olympique. Vous pourrez suivre tout cela en direct sur la 2 et sur notre site internet. La chancelière allemande Angela Merkel voit sa cote de popularité chuter en cause les attaques successives qui ont touché le pays ces dernières semaines. Selon un sondage de la chaîne publique qui a été dévoilé aujourd'hui, 65% des Allemands sont mécontents de la politique d'accueil des réfugiés. Le pays a accueilli plus d'1 million de réfugiés fuyant la guerre en Syrie, en Irak et en Afghanistan l'année passée. Enfin, un avion cargo en plein milieu de l'autoroute. Cette scène surréaliste, ça se passe près de l'aéroport de Bergame Orio al Serio, près de Milan. Cet avion est sorti de piste alors qu'il était en train d'atterrir vers 4 heures ce matin. Les 3 membres de l'équipage sont sortis sains et saufs et aucune voiture n'a été touchée sur l'autoroute. Mais résultat, à présent, beaucoup de vols depuis et vers Milan-Bergame sont annulés. Il est conseillé aux voyageurs de s'informer auprès de leur compagnie aérienne. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Et tout de suite, c'est Globe Crocker sur la première avec Benjamin Le Huppart. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Le Huppart. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, proverbe québécois. Bel été sur la première. C'est un nouveau tour du monde hebdomadaire que nous bouclons aujourd'hui, comme chaque vendredi dans Globe Crocker. Globe Crocker, c'est le rendez-vous des voyageurs qui changent de vie en voyage, qui changent la leur ou celle des gens qu'ils rencontrent par leur gentillesse ou par leur étonnement. On a l'habitude dans Globe Crocker de faire parler des objets de voyage, de s'immerger dans l'ambiance des bouts du monde qu'on s'amuse à croquer ensemble. Et comment s'y prend-on? Eh bien, avec les musiques d'avant le départ et puis les musiques locales. Les lectures de voyage aussi sont magiques parce que l'ambiance sonore qui les accompagne en dit autant, voire plus que les mots eux-mêmes. Une fenêtre ouverte sur la jungle, une pluie diluvienne au Vietnam ou un cliquetis d'une terrasse bondée à Addis Abeba. Aujourd'hui, notre voyageuse est à la base chef en cuisine et on lui demande un jour d'héberger des voyageurs. Ils changeront sa vie et elle partira au bout du monde pour les retrouver. T'es-tu rendu dans cette belle province Québec? Eh bien oui, elle l'a fait, nous partons pour le Québec. La première, 11h midi. Globe Crocker. Avec Benjamin Le Huppart. Bienvenue dans le deuxième pays le plus vaste au monde après la Russie. On vous emmène aujourd'hui au Canada. Avec un territoire de plus de 10 millions de kilomètres carrés, vous ne visiterez pas le Canada en un seul voyage. Le territoire contient plus de 31 700 lacs, faisant du Canada le pays possédant les plus grandes réserves d'eau douce du globe. Les parcs naturels canadiens accueillent toute l'année les amateurs d'évasion. S'y rendre en octobre pour découvrir les charmes de l'été indien ajoute une note supplémentaire. Les érables se parent de rouge, à l'instar du drapeau du pays. Le Canada, c'est l'appel de l'évasion. La vieille ville de Québec, avec ses fortifications, les îles de la Madeleine, où d'après l'histoire, Dieu se serait secoué les mains après la création du monde pour engendrer les îles, la Gaspésie avec ses côtes et ses 14 phares, ou encore la région des Laurentides. Zoomons justement sur cette région des Laurentides. Au nord de Montréal, à moins d'une heure de route, le territoire qui s'étend sur 22 000 km est splendide. Lacs, forêts, montagnes, quiétude, on vient d'ailleurs de loin pour profiter de ses attraits. Aujourd'hui, le menu, c'est Canada. Qu'on vous le serve au sirop d'érable ou à la poutine, l'essentiel est de vous ouvrir l'appétit. Bonjour Vinciane Reynaud. Bonjour Benjamin. On est heureux de vous accueillir à la table de Globe Crocker pour boucler notre tour du monde de la semaine, d'autant plus que le Québec est un bout du monde duquel on est généralement fort tenté de ne pas revenir, tellement c'est beau, tellement les gens sont adorables et tellement la nature est immense. Alors vous allez nous emmener en Gaspésie, dans les Laurentides et même sur le Saint-Laurent, mais votre histoire à vous, elle commence au cours d'un tournoi médiéval à Seraing. Oui, en Belgique. Tout à fait. Donc là, j'ai pour ami quelqu'un qui organise des tournois médiévaux. C'est international. Donc, une panne de couchage fait qu'il a besoin de lits pour deux de ses concurrents. Et je me retrouve avec deux Québécois à la maison. À la base, vous êtes cuisinière. C'est ça. On vous demande de faire la logistique de ce petit tournoi qu'on va découvrir rapidement. Et là, vous hébergez des Québécois. Ouais. Et vous ignorez ce qui va se passer. Mais ça va bouleverser votre vie. Ça va totalement changer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les affinités sont là. Puis, de fil en aiguille, on passe le week-end. Puis, on passe une semaine. On traverse la Belgique, on leur fait découvrir Bruges, Liège, Bouillon. Et puis, on se retrouve en Gaspésie 6 mois plus tard. C'est ça, hein, vous avez joué au guide ici pour la Belgique. Oui. Ils veulent vous rendre l'appareil et ils vous invitent l'année suivante à partir en guide. Passer les vacances chez eux. Et donc là, c'est comme ça qu'on découvre la Gaspésie avec vous. Ça ressemble à quoi ce petit coin de Québec? Qui est énorme, hein, c'est un petit coin de Québec, oui, mais qui c'est une côte, c'est... Des plages, mais en galets. C'est ça. Donc, on est sur l'embouchure du Saint-Laurent. Où exactement? Du côté de Percé. Et ça ressemble à quoi? On est à la mer. Donc, c'est pratiquement l'océan, même si on est sur le fleuve. C'est plat. C'est verdoyant, parce qu'on a quand même le parc réserve naturelle de Forillon qui est juste derrière. On va aller y faire un tour tout à l'heure avec vous. Voilà. On a des habitudes, hein. On ne se refait pas dans Globe Crocker. On a des habitudes et on se met dans les oreilles un peu vos ambiances de préparatifs. Vous partez en juillet, c'est l'été là-bas, vous allez découvrir les différentes saisons, parce que votre histoire sera très très longue et vous aurez l'occasion de découvrir les 4 saisons du Québec. Mais l'histoire commence et donc vous êtes en train de boucler vos valises là, juste avant de partir, et vous imaginez le Canada, vous organisez même une petite fête, et vous écoutez ceci. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Jean-Jacques Goldman, évidemment, là-bas. Pourquoi ça vous évoque le Québec, cette chanson? Parce que c'est tout le départ, tout le fait de devoir quitter sa famille, ses amis, de vendre la maison, de revendre la voiture, c'est toute une étape à passer, puis l'envie d'être une dernière fois entre guillemets avec ses proches, puis la belle surprise que la personne qui s'occupait de la sono à la soirée m'a eu fait. C'était surtout ça, c'était pas programmé au départ. Mais là, vous êtes en train de brûler les étapes, puisque vous parlez du départ suivant, oui, celui qui va suivre celui de votre première visite au Québec en juillet pour un petit peu découvrir de manière touristique la Gaspésie. Ça, c'est avant, vous arrivez en Gaspésie, c'est quoi vos premières impressions? Enfin, vous arrivez par Montréal, j'imagine. Oui, de toute façon, parce que je retournais voir des amis qui sont de la banlieue de Montréal. Puis on décide de partir en vacances ensemble, donc en famille. Donc je suis avec un couple d'amis, puis les enfants. Et puis traditionnellement, ils partent en voiture. Puis la Gaspésie, c'est à 12 heures de route. Un saut de puce. Mais ils sont habitués. Il y a, il y a un premier ministre canadien qui disait une vie ne suffit pas pour découvrir le Canada, tellement c'est immense. Rien que le Québec, c'est gigantesque. Mmh. Mais alors pour eux, 12 heures de voiture, c'est tout normal. À fait normal. Vous filez donc plein est vers la Gaspésie. La Gaspésie, on arrive à Gaspé. Donc là, on est vraiment dans le centre de la réserve naturelle de Forillon. Grand parc naturel où on peut y rencontrer les orignaux, les ours. Très sauvage dès le départ. Allez, on se met dans les oreilles. La musique que vous avez découvert sur place lors d'un de vos voyages au Québec, ça sonne un petit peu différemment que Goldman. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. Ah, on a l'accent. On a un peu l'accent qui arrive, les cow-boys fringants, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est une découverte... Ah, c'est la première musique que j'ai écoutée, déjà avant de partir, puisqu'il m'avait fait, il m'avait amené un CD à la maison. Mais évidemment, comme le Canada était venu chez vous, vous en aviez déjà un petit bout. Et puis, mais on a découlé plein d'autres artistes connus et moins connus ici aussi. Parce que c'est peps, hein? Ah oui, ça c'est génial. On va poursuivre avec vous, Vinciane Reynaud, ce tour incroyable de Gaspésie dans quelques instants, dans Globe Crocker. On va ensuite découvrir comment vous avez mis le doigt dans l'engrenage d'une amitié qui va vous inviter plusieurs fois au Canada, si bien que vous allez même y vivre plusieurs années. Ce sera dans la suite de Globe Crocker, juste après Debout d'Ariane Moffat. Ça manque de sens, j'en perds ma chance. debout, Ariane Moffat, sur l'album étrange qu'est 22h22 en 2015. Nous, on est au Québec ce matin sur la première et on fait un petit tour en Gaspésie. Globe Rocker sur la première. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la bière, célébrée dans le monde entier à 6h, heure locale, avec nos bières. Tandis que vous décomptez les minutes qui vous séparent du lunch, Tokyo décompte celles qui la séparent d'une bonne bière belge. Ce soir, à 6h, ce sera à nous. Trinquez avec nos bières belges et partagez votre toast avec le hashtag Fiers de nos bières. Nos bières se dégustent avec sagesse. Cet été, faites décoller votre argent grâce à nos trois offres exclusives. Deutsche Bank, investissez dans votre vie. Commencez dès maintenant sur deutschebank.be. J'aime bien les belles assiettes bien remplies. Eh bien, craquez pour nos bonnes brochettes de poulet. Elles sont en promo par 4, un petit. Oh ouais, monsieur Marc, comme ça, vous pouvez manger comme 4 sans problème. Oh, la belle assiette. Ouh là là. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, 4 brochettes de poulet ananas, poivron ou nature pour seulement 6,65€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Une princesse. Une fée. Attention à la sorcière. Elle va nous empêcher de retrouver le dragon. C'est magique le labyrinthe d'Urbi. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barvaux d'Urbi. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be avec la une et la première. La première présente, les Midi Minimes. Pour son 30e anniversaire, le festival met les petits plats dans les grands avec une programmation musicale variée et 6 semaines thématiques dédiées notamment au piano, au quatuor à cordes ou à la musique sacrée. Du 4 juillet au 31 août au Conservatoire de Bruxelles. Info midi-minimopluriel.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La première présente, la nuit du livre à Redu sous le signe de la guerre des étoiles avec les héros de Star Wars. Les librairies vous accueilleront jusqu'aux petites heures. Animation musicale, jeux en bois géant et grand feu d'artifice à minuit. Le 6 août dès 18h. Un événement organisé par Redu Village du Livre avec la maison du tourisme de la Haute-Lesse, la commune de Libin et le CGT. Les Sons Intensifs, un festival de musique de chambre et de gastronomie sous la direction artistique de David Cohen. 15 musiciens interprètent entre autres Beethoven, Bach et Debussy sur le thème des voyages merveilleux. Du 12 au 14 août, sur le magnifique site de l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Info, lessonsintensifs.be, avec la première. Ça se passe sur lapremière.be. Découvrez, par-delà les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de la première. Aventurez-vous dans un monde de sons, sans autre boussole que le plaisir de rêver par les oreilles. Vous y trouverez des trésors acoustiques, des documentaires, des fictions, des séries, de grands entretiens et des reportages. Pour enregistrer du vent, rendez-vous sur rtbf.be/par-delà-les-ondes, montez le son, fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être conquis. Globe Rocker, jusqu'à midi sur la première. Et on a énormément de chance puisque notre guide, c'est vous, Vinciane Reynaud. Vous venez d'arriver au Québec après avoir été invité par vos amis fans de Moyen-Âge et que vous avez rencontré en Belgique. Et vous avez pris la voiture pendant 12 heures pour vous retrouver à 7 du côté de la Gaspésie. Et alors, vous nous parliez d'un parc que vous avez parcouru cette fois à pied et pas en voiture. C'est le parc de Forillon. C'est où? Donc là, on est au bord de l'eau, tout en étant un petit peu dans la forêt, puis un peu montagneux. Mm-hmm. Et puis, c'est des randonnées de marche. Nous, en tout cas, on l'a fait en marchant, mais on aurait pu le faire en vélo ou même en kayak. On faisait du kayak dans les ruisseaux qui découle de l'embouchure, puis... Mais il faut quand même bien dire que tout est tellement gigantesque que quand on dit lac, nous, on s'imagine un lac, mais non. Non, il faut savoir que le Saint-Laurent, à son embouchure, il fait la distance de la Meuse. Voilà. À Mont-Aval. Donc c'est carrément une presque mer, quoi. On voit pas le haut rive, quoi. On n'a pas de pont. Voilà. C'est parce que vous parliez de ruisseau, de lac. Ruisseau chez eux, ça peut être déjà du bon ruisseau. Grandeur Québec. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va dans ce parc de Forillon en Gaspésie? Ah ben on va voir des érables, on va voir des fleurs et des plantes de par là-bas. Maintenant je n'ai pas de souvenirs précis par rapport à la végétation. Maintenant on peut aussi tout au bien croiser un ours ou un orignal. Bah voilà, rien que ça. Oui, il faut savoir aussi qu'on campe dans ce parc et il est interdit de laisser toute nourriture à moins d'un mètre du sol pour ne pas que justement avoir des visiteurs la nuit. Mm-hmm. Ça, c'est... Mais vous avez séjourné, vous avez passé la nuit dans le parc non. de Forillon ? Non. Donc ça, c'était pas pour vous. Non, c'était... Vous espériez voir quoi ? Des orignaux ? Oh, bah, ça aurait été chouette, oui. Mais pas là ? Mais pas à ce moment-là, non. L'ours, c'est bien aussi en photo, hein, on préfère le voir en photo. Oui, c'est mieux en photo. Sur la table de Globe Crocker, vous avez, comme tous nos visiteurs, déposé une ribambelle d'objets qu'on va essayer de faire parler. Et parmi eux, il y a un magnifique tableau, une peinture, c'est un portrait. C'est quoi le rapport avec votre visite au Québec ? Mais c'est la rencontre d'une jeune femme super qui m'a accueilli les bras ouverts avec ses parents. Et c'est émouvant apparemment oui. d'évoquer cette rencontre. C'est Isha qui vous a peint le portrait d'un petit garçon, j'ai l'impression. Un garçon qui sourit. C'est le cadeau d'un sourire. Mais ce tableau, c'est pas juste comme ça, vous êtes arrivé, je vais prendre ce tableau. Il a fallu toute une démarche pour pouvoir acquérir ce tableau. Elle l'a peint avant mon arrivée, avant notre rencontre. Et quand on s'est rencontrés, elle a dit « j'ai quelque chose pour toi » et elle m'a sorti le tableau. Et elle disait toujours, enfin elle dit, elle est toujours là, que le sourire lui fait penser à mon sourire. Waouh. Donc en fait, c'est le symbole de votre amitié. C'est un symbole très fort, oui. C'est un grand tableau. Très très beau tableau, très lumineux, très souriant. Et vous revoyez le Québec quand vous regardez ce petit garçon sourire ? Oui. Surtout eux. Là, on était parti du côté de la Gaspésie et du parc Forillon avec l'envie de découvrir des grands espaces, ce gigantesque Saint-Laurent, les baies, etc. On est très fort branché sur la nature, mais votre voyage est aussi énormément fait de rencontres. Tout à fait. Essentiellement, d'ailleurs. Plus que de voyages à travers la province, mais c'est toujours avec eux que je voyage de toute façon. Est-ce que, lors de ce premier voyage, le mot premier annonce bien qu'il y en aura d'autres, mais est-ce pour vous c'est l'unique voyage, la première fois que vous vous rendez au Québec, vous êtes consciente que vous mettez le doigt dans un engrenage ? Pas à ce moment-là. Et pourtant, c'est au cours de ce voyage que vous allez envisager un retour. Mais disons que la première fois qu'on en discute, c'est autour d'une bonne bière, puis une soirée bien arrosée, puis on se dit « ah ben oui, pourquoi pas ?» Et puis ben, le lendemain, on se dit « ouh, mal de crâne !» On n'est pas sûr que ça soit vraiment ce qu'on ait envie de faire, ni que les propositions soient sérieuses. Et puis c'est quand on rentre en Belgique après les vacances et que les emails se font de plus en plus fréquents, puis que l'achat d'une maison est fait, puis qu'on se rend compte que là... C'est trop tard pour faire marche arrière. Alors là, il faut expliquer évidemment que tout s'aligne. Vous avez cette expérience dans l'Oreca, donc dans la cuisine et dans l'Oreca en général. Vous avez des amis maintenant qui sont au Québec, qui ont très très envie avec vous de lancer un projet qui requiert votre présence durable. Là-bas, c'est quoi ce projet ? Ah ben, on envisage d'ouvrir des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes ? Oui, parce qu'il y a plusieurs chambres dans la maison. Et donc, ils investissent dans l'achat d'une maison, dans les rénovations de cette maison. Et on y installe trois belles chambres avec tout ce qu'il faut, la salle de bain. Puis, Est-ce qu'il leur plaît à vos amis, toujours fans de Moyen-Âge hein, parce que je garde ça en mémoire, parce que ce Moyen-Âge va revenir dans cette maison, dans des événements qu'on va décrire un petit peu plus tard. Mais cette maison, elle est un mélange, c'est ce qui les intéresse. C'est un mélange entre la culture belge et la cuisine belge que vous incarnez et l'architecture et la culture canadienne. Donc ça donne quoi visuellement ? La maison est vraiment d'architecture canadienne québécoise des années 60, donc ça va être du bois. Essentiellement, ça va être forcément ces villas, ce qu'on peut appeler chez nous une villa puisqu'il n'y a pas de voisins. Puis d'ailleurs, je n'ai pas de voisins à moins de 500 mètres de chaque bord de la maison. Ce qui est un peu moins fun, c'est qu'on est sur la grande route, ce qu'on pourrait avoir la route du Condreau de notre côté à Liège. Puis voilà, c'est verdoyant, c'est un grand jardin, et puis c'est un petit chalet au bois. Eh ben, on va s'immerger, on va entrer dans cette maison étrange qui porte un super nom. C'est la Belle et la Belge. C'est une maison donc à la fois canadienne et à la fois belge que vous avez fait vivre et dans laquelle vous avez invité plein de gens. Une oreille attentive aura pu déceler, depuis que vous nous parlez dans Globe Crocker, la réapparition d'une pointe d'accent québécois. On va essayer de la faire sortir encore davantage juste après, de toute façon, de Monogrenade sur l'album Tantale. Monogrenade, de toute façon, en 2012, nous sommes au Québec ce matin sur la première et on y reste. Globe Crocker sur la première. Ça se passe sur la première. En Belgique, la crise. Chaque samedi de l'été sur la première, Autopsie explore en profondeur un événement de notre histoire récente. Sauver Fortis, c'était la mission du gouvernement. Avec des archives, mais aussi des témoignages d'acteurs sur les coulisses. Moi, je reçois un SMS d'Elio disant « Rendez-vous au palais ». Une heure pour comprendre, au travers d'un grand récit à découvrir en radio le samedi midi, mais aussi en podcast et sur notre web documentaire www.rtbf.be/autopsie, rtbf.be/autopsie. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Et comment qu'on y reste, hein, parce que le premier voyage de Vinciane Reynaud, qui est notre guide de la matinée, était un voyage un peu de tourisme, et puis aussi pour retrouver vos copains qui étaient venus en Belgique. C'était sans idée derrière la tête. Non. Sauf qu'à la fin du voyage, ça se passe bien, il y a des grandes fêtes, c'est marrant, dans Globe Crocker, il y a plein de voyageurs qui ont décidé de partir un peu sur un coup de tête. Mm-hmm. On a eu des très belles histoires qui se sont passées au départ d'un dîner qui se termine en disant « Eh tiens, et si on partait pour… » Et hop, on part. Et c'est un peu ce qui vous est arrivé à la fin de ce premier voyage en juillet, là, vous étiez… avec vos amis fans de Moyen-Âge et vous vous dites « Et si jamais on envisageait de se retrouver plus tard ?» Vous revenez en Belgique, les fameux mails s'échangent. Et puis ça devient réalité. Oui, cette un maison, an et demi plus tard. Un an et demi plus tard, cette maison, elle existe. Ouais. Et alors, ils vous attendent. Ah ben oui, là, ils ont acheté la maison. Donc sur l'année et demie qui s'est écoulée, moi de mon côté, j'ai fait les démarches par rapport à l'immigration, puis au papier. Il fallait un permis de travail, on ne part pas comme ça non plus. Enfin, pour aller au Canada, on n'a pas encore besoin de faire les vaccins, mais il fallait au moins un permis de travail. Pendant ce temps-là, eux, ben, ils ont acheté la maison, ils ont fait les papiers, ils ont fait les rénovations. Mais donc ça rigole pas du tout, quoi. Non. Et alors cette maison, elle se trouve où? Alors on est à Prévost. Dans une petite ville du côté de Saint-Jérôme, donc on est au cœur des Laurentides. Mmh. On situe les Laurentides, tout à l'heure on parlait de la Gaspésie, les Laurentides c'est où? Donc les Laurentides ça va être dans le nord de Montréal. Dans le nord de Montréal, et on est donc dans une zone lacustre On va être à la campagne, urbain et campagne, on est dans la banlieue. Ça ressemble à quoi Prévost? Prévost c'est une petite ville qui est étendue le long d'une nationale. Donc c'est pas spécialement hyper joli, puis à part aller à la messe le dimanche matin, il y a pas grand chose. Par contre, pour sortir, faut aller sur Saint-Jérôme, dans les bars, dans les cinémas, dans le centre commercial, ou alors remonter un peu plus haut du côté de Saint-Sauveur, qui va être un peu plus pittoresque. D'accord. Et là, vous lancez donc cette maison qui s'appelle La Belle. La Belle et la Belge. Et la Belge, c'est vous. Et vous donnez une âme particulière qui est un cocktail un peu canadien et belge. On amène un petit peu d'Europe au Québec. Et alors, nous, on a envie de savoir comment vous passiez le temps lorsque vous n'étiez pas au fourneau ou en train d'accueillir les gens ou préparer un événement dans cette maison. Et on vous imagine en train de lire des choses, parce que l'air de rien, La Belle et la Belge, eh ben, c'est une recette qui marche pas mal. Y a des gens qui viennent d'un peu partout, même des États-Unis, pour passer quelques temps chez vous. Et on peut lire dans la presse locale quelques lignes assez encourageantes. Ça sonne un peu comme ça. En entrant dans le Moulin aux épices, une épicerie spécialisée qui a vu le jour grâce à la passion de Nathalie Bergeron pour la cuisine, même ceux qui détestent sortir les chaudrons seront inspirés par l'odeur qui flotte dans l'air. Cette femme qui se décrit comme autodidacte et épicurienne n'a qu'un seul désir, conseiller les gens pour qu'ils développent le goût de concocter toutes sortes de petits plats. Ayant vu son père travailler dans les épices pendant 20 ans, Nathalie Bergeron a, dès son enfance, été attirée par la restauration. Dans les années 90, elle a déménagé en France et a commencé à suivre des cours de cuisine. Là-bas, elle a aussi visité de nombreux marchés pour découvrir différents aliments. À son retour, Madame Bergeron avait encore une soif de connaissances et elle a donc décidé de poursuivre sa formation à Montréal. C'est qui Nathalie Bergeron ? Ben, c'est une petite propriétaire d'une épicerie, le Moulin aux épices, que j'ai rencontrée lors de mon passage au Québec. Je vais dire ça comme ça. Moi, il me fallait des fournisseurs pour forcément faire à manger à mes touristes. Mmh. Et au lieu que d'aller à l'épicerie du coin, comme on dit, faire mon magasinage, mon épicerie, ma commande. Elle revient, là, les expressions. Par là. Elle revient, les expressions québécoises. Et donc, on m'avait parlé de la petite dame aux épices et j'ai été la voir. Puis, ça a été une belle rencontre aussi. Elle avait plein de petits trucs, ces tout petits pots, c'est tout mignon son magasin. Et puis, on a parlé cuisine, on a parlé épices un petit peu plus spéciales qu'on retrouve plus vite dans leur cuisine à eux que ce qu'on utilise chez nous, comme le cumin ou... On peut dire que vous faisiez de la cuisine fusion, quelque part, entre leur façon de cuisiner et puis la nôtre? Oui, on peut dire que je mélangeais les deux. C'est une aventure que vous menez avec vos amis fans de Moyen-Âge. Donc, question, je les imagine toujours en costume. Hein. Ah, mais. Alors, ben justement. J'aurais dû amener les photos. Est-ce que vous avez été contaminé par le virus Moyen-Âge? Presque. Disons que si j'y étais restée encore un peu plus, je pense que je serais montée à cheval plus facilement. J'aurais peut-être manié la lance aussi, ça je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce milieu-là. Puis j'y emmènerai certainement. Mon neveu, la prochaine fois. La Belle et la Belge, c'est une maison d'hôtes dans laquelle vous organisez des événements. Oui. Et parmi ces événements, pas toujours, mais il y avait quand même des événements moyenâgeux. En général, une fois l'année. Donc on avait un groupe Scarazula. Scarazula, c'est le nom du groupe. D'accord. Qui fait de la musique médiévale, qui la compose, qui la reprend parfois. Et ces trois bonhommes super sympas qui font du médiéval aussi, forcément. Et, c'est quand même marrant, cet engouement pour le Moyen-Âge. Alors que finalement, au Québec, il n'y a pas forcément de Moyen-Âge. C'était pour ça d'ailleurs. Peut-être. Peut-être. Et donc ça ressemble à quoi alors une fête moyenâgeuse dans La Belle et la Belge? Bah, ça va être des ritournelles, puis un minestrel, puis un cochon grillé au milieu du jardin. Et vous n'avez... Le pauvre. Et vous n'avez pas osé amener la photo où vous êtes vous-même en robe de en Moyen-Âge. En robe d'époque, oui. Donc vous êtes quand même un petit peu contaminé. Ah ben oui, on aime ça. Et l'aventure va durer 3 ans. 3 ans. 3 ans avec plein de choses. Ce sera l'occasion pour nous aussi de voir à travers vos yeux les 4 saisons très très marquées, vous disiez, du Québec. Est-ce que vous saviez que Cœur de Pirate avait chanté Saint-Laurent? Non. Eh ben Cœur de Pirate a chanté Saint-Laurent. Eh ben voilà. Sur la main, il est tard. Les filles ont dansé pour toi, pour te consoler le roi. Et si tu dors seul ce soir, parmi leurs pleurs d'horreur, et si tu me laisses dans tes bras, je t'attends, boulevard Saint-Laurent. On s'est vu de partout, je sais, tu es pris amoureux, mais j'ai Saint-Laurent, Cœur de Pirate en 2011, Cœur de Pirate qui sera en concert le 13 août prochain à 20h15 sur la place des Palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Et nous, l'été, on le passe en partie grâce à vous, Vinciane Reynaud, au Québec. Ça se passe sur la première. Demain à 11h, Bientôt à table avec Sophie Mounz. Ce samedi, dans Bientôt à table, rencontre avec un monstre sacré de la cuisine italienne, le chef Fulvio Pierangelini. Un homme de passion pour nous conter une cuisine de l'âme et du partage. Bientôt à table, le samedi de 11h à midi sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. City 2. Le samedi, c'est deux fois mieux. City 2 vous offre chaque samedi 2 heures de parking gratuit pour tout achat de minimum 25 euros. City 2, le centre commercial en plein cœur de Bruxelles. Facile d'accès par le métro Rogier, la gare du Nord ou son parking aisé situé à la rue des Cendres. Il y a toujours quelque chose de mieux à City 2. City 2, prenez la ville du bon côté. Comment bien manger quand... On adore les tomates. Eh ben, reste une journée en plein soleil sur la plage et tu seras servi. On vous conseille plutôt d'essayer les succulentes tomates en grappe de Lez. Toutes produites localement en Belgique, elles ont un goût exceptionnel et sont délicieusement juteuses. Et avec un prix pareil, plus besoin d'aller au soleil pour rougir. En effet, jusqu'au 10 août, les tomates en grappe en vrac de Lez sont à seulement 99 centimes le kilo. De Lez. Bien manger. La plupart de nos AD Proxy Deleuze sont ouverts les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur deleuze.be. Grâce à Sud Press, parfumez-vous au meilleur prix cet été. Participez à notre action épargne du lundi 8 au samedi 13 août et bénéficiez de 50% de réduction sur une sélection de parfums au senteur d'été. N'hésitez plus et foncez dans les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Encore une exclusivité. Sud Press. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster, avec la première, la une et la Libre Belgique. Globe Crocker, jusqu'à midi, sur la première. Et on est chez vous là-bas, puisque vous avez tout plaqué ici en Belgique pour aller ouvrir cette maison qui s'appelle La Belle et la Belge, là-bas à Prévost, au Québec. Et ça se passe plutôt bien. Les gens viennent, les clients vivent chez vous, vous organisez vos événements avec le cochon grillé, des choses un peu teintées de Moyen-Âge. Et puis, vous êtes tellement intégrés, et d'ailleurs depuis le début de l'émission, on sent que l'accent québécois revient... C'est un délicieux cocktail entre l'accent liégeois et l'accent québécois. Si bien que les visiteurs, même les Québécois, ne veulent pas croire que vous êtes belge. Non. Il paraît que j'ai pris assez vite l'accent québécois, mais c'est sûr que pour eux, j'avais quand même un accent qu'ils ne reconnaissaient pas non plus ou très peu. Et pour ils identifiaient même l'origine. Oui, ils identifiaient mon origine au lac Saint-Jean. Plein nord, plein nord. Ça. Je me souviens qu'une des clientes me disait « Ah oui, mais vous devez venir du bas du lac Saint-Jean. » Et je dis « Non, moi je viens du bas de la Meuse. » Et alors, à mon grand dame, j'ai essayé de vous proposer de parler avec l'accent machin, et vous me dites « Quand je me force, je peux pas. » Non, j'y arrive pas. Ça vient tout seul, puis c'est... Maintenant, oui, je peux... On pourrait téléphoner aux copains là-bas, et puis dans 3 minutes, c'est sûr que je peux avoir l'accent, mais... Il y a un autre moyen, puisqu'on a remis la main sur un document incroyable. C'est vous qui vous livrez à une interview en télévision. Oui. Et vous parlez d'ailleurs du concept de La Belle et tout la Belge. Fait. Et on a de la peine à croire que c'est la même Vinciane Reynaud qui est avec nous aujourd'hui. Elle a beaucoup changé. Dans Globe Crocker. C'était sur la chaîne Cogeco TV. Oui. Dans une émission qui s'appelle Parlons Entraide. Et donc, il voulait vous donner un petit coup de main en disant ça, tiens, il y a une chouette initiative là-bas. Et alors, la dame qui parle, c'est vous. Écoutez. Puis eux, ils habitent les Laurentides aussi, fait que j'ai découvert la région par eux. Puis c'est ça, de fil en aiguille, on s'apprécie, puis on veut partir un projet ensemble. Donc, on se propose de partir un bed and breakfast dans les Laurentides à Prévost, puisque la demeure, on l'a trouvée à Prévost. Dans les Laurentides, là? C'est incroyable! Là, là. C'est incroyable comme ça change. Ah oui, c'est... Ça vous fait quoi de réentendre cette conversation? C'est bizarre, ça me fait rire. J'ai pas l'impression que c'était moi. Eh ben, c'était bien vous. Oui. Image à l'appui, le son d'ailleurs n'est pas de grande qualité puisque c'était sur le web, mais on pouvait pas s'empêcher, on voulait vous entendre avec cet accent délicieux du Québec. Ils ont horreur qu'on dise qu'ils ont un accent, hein. Vous avez remarqué ça? Oui, maintenant, ils nous le disent à nous quand on arrive, qu'on a un accent, de toute façon. Donc, on a chacun son accent. Bien sûr, évidemment, évidemment. Alors, on le disait, votre aventure dans La Belle et la Belge à Prévost, là, du côté des Laurentides, donc au nord de Montréal, eh ben, elle a duré 3 ans, parce qu'évidemment, au bout de 3 ans, vous êtes rattrapé par l'administration. Décidément, l'administration a rattrapé plusieurs de nos visiteurs dans Globe Crocker cet été. Bref, il va falloir mettre un terme à cette aventure. Et c'est quoi? C'est le permis de travail qui est arrivé à son terme? Le permis de travail est arrivé à son terme, puis on m'a demandé gentiment d'investir un peu plus de sous que je n'avais pas, puisque le deal avec les amis, c'était nous, on a les sous, on investit, puis toi, tu as le temps et tu as le savoir-faire et tu investis ton savoir-faire. Et puis, ben... Mais eux, ils voulaient du cash. Voilà. L'administration voulait du cash, puis prouver mes bons sentiments vis-à-vis de la belle province. Puis voilà, et j'avais pas le cash suffisant. N'empêche que vous avez fait la tambouille pendant, pendant 3 ans. C'est évidemment incontournable pour nous de vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de cette gastronomie québécoise. Et vous avez déposé sur la table de Globe Crocker un sachet, on dirait de la soupe en lyophilisé. Oui, ça va ressembler à Royco, mais ça va être de la sauce brune pour la poutine. Donc la poutine, c'est des frites avec sauce brune et du fromage en grains. Vous avez une manière très particulière de décrire une correspondance dans notre gastronomie à nous pour la poutine. Vous dites c'est un peu le... Ah, mais c'est le ravi de frites de 3h du matin quand on rentre de Ghana. Avec, voilà, avec sa louche de carbonate dessus pour que ça colle bien. Sauf qu'en plus, chez eux, il y a du fromage. Oui, du fromage en grains, donc ça va ressembler à la mozzarella. Il paraît maintenant que dans plusieurs festivals de musique, il y en a quelques-uns cet été, on sert de la poutine justement pour que les gens reprennent un peu de... Ça se popularise par chez nous. Moi, j'adore y aller sur le marché de Noël à Liège, place du marché, où on retrouve le stand justement du Québec et on peut déguster de super bières et le ravier de poutine. Alors vous dites à propos des bières, c'est incroyable pour une Belge, vous avez découvert la bière là-bas. Oui. Je buvais pas de bière, j'aimais pas ça. Puis à la limite, c'était un Torgo et puis et encore un demi-verre. Et puis c'est en arrivant au Québec que j'ai commencé à apprécier. Et maintenant, je ne bois que ça. Mais vous dites au Québec, ils sont très très fans. Ils aiment beaucoup les Belges et la Belgitude. Et notamment la façon de fabriquer la bière belge. On peut pas leur en vouloir. Non. Mais au point de revendiquer la tentative Ils l'assument, ils le revendiquent. Et quand ils produisent une bière, c'est marqué sur l'étiquette, c'est marqué sur la carte du resto que c'est pas imitation, mais ça va être fabrication comme la blanche ou... Ah oui, carrément. Ah oui, oui, ça va être estampillé Belgium ou... À la méthode belge. Voilà, méthode belge. Vous en avez apporté une d'ailleurs de bière qui s'appelle Péché Mortel. Et c'est quoi cette bière? Ça va être du 9% d'alcool. Ah oui, quand même. Donc, on ne prend pas ça à l'apéro. Et c'est un stout extra fort brassé avec du café. Ah, ils annoncent la couleur, hein. Stout extra fort. Ben, on le voit même si le verre de la bouteille est foncé, on voit que c'est bien foncé à l'intérieur aussi. On va continuer à se régaler dans la suite de Globe Crocker parce que vous avez, on le disait, fait une cuisine fusion entre ces produits du terroir québécois et la façon de les cuisiner peut-être à la Belge. Il y a plein de choses assez étonnantes. Juste après, comme des rames de Claude Pelag sur l'album L'alchimie des monstres. J'ai croqué ta pomme d'Adam. Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant, en botte d'eau ou même en soulier. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé je n'ai rien pour tailler nos crayons, comme des rames qui auraient trop ramé. Nos couleurs ont fini par s'estomper. J'ai cassé l'aviron, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête. Cassé l'aviron, j'ai cassé. S'asseoir dessus pour exister. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était un appel outre-mer. Un coup de toi, c'est un coup de la terre. Je l'ai reçu en plein dans la vie. J'ai cassé la. crois que j'en ai avalé, mais tu sais le rhume que tu m'avais donné. Je l'ai perdu quand tu t'es noyé. J'ai hissé ton nom, ton visage, ta douceur au plus haut des mains de mon cœur. Comme des rames, Claude Pélag, l'alchimie des monstres, ça c'est le titre de l'album. Et nous, on repart une dernière fois pour le Québec. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Et c'est une histoire d'amour hein, entre vous, Vinciane Reynaud et le Québec, puisque ça a commencé au détour d'une rencontre fortuite à Liège, lorsque des Québécois sont venus loger chez vous pour un festival médiéval. Et puis, de fil en aiguille, vous êtes partis en vacances, et puis après, vous êtes partis pour le business avec eux, parce que vous avez ouvert cette belle maison de Prévost, La Belle et la Belge. Et comme vous êtes de formation cuisinière, on dit, c'est ça. Eh ben, on a envie de voir comment vous avez un peu naviguer entre leur gastronomie et puis la nôtre. On a évidemment parlé de la poutine, on a parlé de leur coup de chapeau à la bière belge en la réinterprétant à leur manière. Fait. Mais qu'est-ce qu'on mange d'autre dans cette cuisine québécoise? Alors moi, je me souviens de plats qu'on faisait plutôt dans le temps des fêtes, comme on dit. C'est-à-dire l'hiver? Le temps des fêtes, c'est la période de Noël, Nouvel An. C'est ça. Et là, forcément, on se réunit en famille, on propose un petit peu des plats type auberge espagnole, comme c'est des grandes familles et qu'on fête Noël en général tous ensemble. Et là, tout le monde arrive en raquette Ça arrive, certains hivers peut-être. D'accord. Et puis là, on va retrouver sur la table les tourtières. Donc les tourtières, ça va être des tartes recouvertes. Donc essentiellement de pâte, et à l'intérieur ça va être du hachis de viande, aussi bien du porc que du bœuf. On va retrouver les ragoûts qui vont ressembler à nos carbonades, ah, qui ne seront pas à la bière, parce que pour ça, eux, ils gardent le côté français, donc on va au vin, donc. Être au vin. Et puis, ils accompagnent ça de pommes de terre. Oui, les patates pilées. Ça c'est à la française et à la québécoise. Les patates pilées. D'accord, et donc on aura compris que la patate pilée, c'est... C'est la purée. C'est léger tout ça, non? Oh, ça tient au corps, mais maintenant il fait moins 40 aussi dehors, donc C'est pour ça. Il faut que ça tienne. Et alors, il y a quoi dans les... parce qu'on a quand même parlé pommes de terre, on a parlé viande, et un peu de fruits et des légumes qui se retrouvent dans... Oui, alors en tout cas, dans la famille où j'étais, ils font leur conserve eux-mêmes, donc j'ai pu déguster du ketchup maison. Waouh. Oui, c'est tellement meilleur que celui qu'on retrouve chez nous au Deleuze ou au GB. Et comment on fait du ketchup? Parce que ça, c'est compliqué ou pas? C'est pas compliqué, c'est une marinade finalement, tomatée avec cornichons, oignons, et puis ça va confire finalement. Et alors, moi en tout cas, ce que j'aimais, c'était les morceaux dedans, un peu comme ce qu'on a ici avec le pickles ou le piccalilli. Mais attention, il commence à faire très très fin. Il est presque midi mais aussi. Oui. C'est pour ça. Ça, c'est pour le côté frigo québécois, mais dans le côté frigo de la Belge que vous étiez là-bas, vous avez également amené des. Pas des ingrédients, mais en tout cas des recettes belges. Et qu'est-ce qu'ils aiment de chez nous? Ah ben, ils adorent les boulets. Nous aussi. Les boulets liégeois. Évidemment. Évidemment. On ne va pas les faire à la provençale. Et puis, ils préfèrent nos frites à leurs frites, qui sont beaucoup moins grasses, dues aux deux cuissons. Et puis, je leur ai fait goûter la carbonade, qui va ressembler à leur ragoût, mais à la bière, chez nous, forcément. Et puis, alors, tout ce qu'on peut trouver, les endives, ils ne connaissaient pas. Ils cuisinent très peu, les endives, donc nos chicons. Ils ne savent pas ce que c'est. Tout le monde n'est pas fan, hein, même en Belgique. Non, mais moi, j'aime bien. Moi aussi, mais faites manger des chicons à un enfant. C'est il vous en voudra toute votre vie. C'est plus compliqué. Évidemment. Est-ce que vous diriez, Vinciane Reynaud, maintenant que vous êtes rentrée en Belgique, que l'aventure de La Belle et la Belge a dû s'arrêter parce que on le disait, soit vous mettiez du cash et vous réinvestissiez dans le projet et vous pouviez rester. Ça, c'est le côté un peu américain, je trouve, du comportement des Québécois. Soit vous rentriez. Il a fallu que vous rentriez. Est-ce que vous diriez que ce voyage, le leur, celui qu'ils ont fait pour venir à Liège et puis le vôtre pour aller là-bas, a changé votre vie? Complètement. Je suis tout à fait différente, aussi bien psychologiquement, je dirais, que physiquement aussi, puisque j'ai perdu 20 kilos depuis. Et non, c'est une vision de voir les choses complètement différentes d'avant. Une philosophie beaucoup plus positive et du lâcher prise, comme ils disent là-bas. Depuis le Québec, vous êtes plus positive. Oui. Et comment vous expliquez ça? C'est inexplicable. C'est leur mentalité à eux aussi d'être toujours aller de l'avant, puis du lâcher prise, du bien-être à soi. Et je trouve que nous, en Europe en général, on est un petit peu loin de tout ça. Et ça remonte à quand votre dernier voyage au Québec? L'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Est-ce qu'il y a eu encore des grandes idées du style « et si on se relançait dans un truc » Non, du tout. Du tout. En fait, j'ai été invitée aux noces de ma belle Isha. Et donc, la peintre qui vous a offert ce portrait qui est devant vous. Et alors, ça me tenait à cœur d'être auprès d'elle pour ce jour-là. Vous avez gardé quand même ce lien affectif avec le Québec, au point de vous faire livrer des produits de là-bas, oui, mais en quantité un peu américaine. Parce que vous parliez de bière et de microbrasserie, c'est d'ailleurs c'est le bon plan tout à fait que vous recommandez. Il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs très bons fournisseurs ici à Bruxelles, à Braine-l'Alleud et dans le nord de la France. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches, j'ai un petit peu vu grand. J'avais peut-être très soif, je sais pas. j'avais très envie, en tout cas, de faire découvrir ce que j'avais découvert là-bas à mes amis ici. Et donc, on part, enfin, je sélectionne 5, 6, 7 sortes de bières et j'en prends 6 à 12 bouteilles chacune. Et un matin, j'ai un livreur qui vient avec un transpalette devant la maison. On a l'impression quand même que votre histoire n'est pas terminée avec le Québec. Il va y avoir une suite. Oh, sûrement. Et vous viendrez nous la raconter, j'espère. Bien volontiers. Merci beaucoup, Vinciane Reynaud, pour ces escapades au Québec et votre récit de vie. Qui aurait dit que des fourneaux de l'école liégeoise vous envoleriez dans la grande aventure au Québec avec des fondus de Moyen-Âge? C'est un peu dingue comme histoire. C'est un beau mélange, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la voyageuse que vous êtes? Encore plein d'autres voyages, peut-être pas forcément au Québec, mais des voyages, puis des belles rencontres. Eh ben, on vous le souhaite. Allez, Globe Crocker, on a l'habitude le vendredi, c'est un jour de lessive, on refait le sac et dès la semaine prochaine, on part pour d'autres horizons. Un autre tour du monde nous attend, on va encore en croquer des saveurs et des parfums. D'ailleurs, c'est promis que votre été continue en pente douce sur la première. Dans un instant, on fait un point sur l'humeur du ciel au-dessus de notre toute petite Belgique. Et puis, ce sera le forum de midi, puisqu'il sera bientôt midi, évidemment. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous perdre, que vous soyez ici ou ailleurs. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. Découvrant l'amour, découvrant le temps. Y a quelqu'un qui se manque, j'entends quelqu'un qui... la météo. Très belle journée à tous. Cet après-midi, une fine ligne d'averse va traverser le pays. Avant et après son passage, le temps est variable, avec quelques éclaircies dans un ciel qui reste malgré tout assez nuageux. Le ciel sera toujours partagé ce soir. En fin de nuit, des bancs de brouillard pourront à nouveau se former au sud du pays et de nouveaux nuages arriveront sur le littoral. Les minima iront de 10 à 15 degrés. Demain matin, le ciel sera assez chargé sur une large moitié ouest de la Belgique. Les nuages seront plus morcelés à l'est. Dans la journée, un beau ciel bleu au littoral, un ciel un peu plus mitigé ailleurs avec toujours un petit risque d'ondées sur l'est du pays. Les maxima iront de 18 à 22 degrés. La Chimay dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876.